Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons rester dans le domaine médical pour nous intéresser à la thérapie génique. Vous avez peut-être entendu parler au début du mois qu'une équipe médicale avait réussi à sauver un enfant atteint d'une maladie de peau grâce à la thérapie génique. Et plus tôt cet été, on apprenait que les autorités américaines avaient autorisé la thérapie génique pour combattre la leucémie. Alors, en quoi consiste cette thérapie, cette technique de la thérapie génique? Quelle maladie pourrait-elle permettre de guérir? C'est ce que nous allons découvrir avec Bruno Gaillet. Il est professeur au département de génie chimique à l'Université de Laval et directeur de ce même département. Bonjour Bruno. Bonjour Valérie. Alors brièvement, Bruno, avant qu'on rentre dans le détail de la technique et qu'on comprenne l'importance de ces avancées en thérapie génique, pouvez-vous nous décrire un peu ces résultats qui ont été obtenus récemment ? En fait, il y a eu deux études qui ont été récemment publiées. La première, en fait, correspond à un traitement expérimental qui a été développé contre une maladie génétique, qui est en fait l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle. Donc c'est une maladie qui est très très invalidante. On appelle ça les enfants qui sont atteints de cette maladie, on appelle ça les enfants à la peau papillon. C'est-à-dire que c'est des enfants dont la peau est extrêmement fragile, un moindre choc et la peau se déchire, la peau s'enlève. Donc la qualité de vie est très très affectée. C'est vraiment une maladie qui est très très invalidante. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie doivent avoir leurs pansements qui sont changés quasiment à tous les jours, voire toutes les semaines. Ah ouais. Pour un coût, parce qu'il faut aussi parler du coût de la santé. Le coût de ces bandages, ça peut représenter jusqu'à 100 000 $ par année. Donc, en plus qu'elles soient invalidantes, c'est aussi une maladie qui a un coût. Donc, récemment, il y a une thérapie génique qui a été développée contre cette maladie. Donc, le principe de cette thérapie, c'était de prélever des cellules souches de peau, de les modifier génétiquement, c'est-à-dire d'insérer dans ces cellules souches le gène qui est responsable de cette maladie, en fait le gène déficient. Donc c'est un gène qui code pour une protéine, la laminine. Donc cette insertion du gène a été faite à l'aide d'un virus, ce qu'on appelle un rétrovirus. Donc c'est un virus qui, une fois qu'il rentre dans la cellule, son matériel génétique, qui aura été modifié bien entendu pour insérer le gène d'intérêt, ici le gène de la laminine, une fois qu'il rentre dans la cellule, ce gène-là s'intègre de façon définitive dans la cellule. Ça fait qu'ensuite, lorsque les cellules se divisent, le gène se divise en même temps que les cellules, ça fait que c'est une correction définitive. Donc ces cellules souches ont été réinjectées chez le patient, chez l'enfant, un petit Allemand de 7 ans. Et suite à cette réintroduction des cellules, l'enfant a récupéré une peau, on pourrait dire, tout à fait normale. Ah oui. Il a une qualité de vie comme tous les enfants de son âge, en fait. Belle réussite. Donc c'est surtout très intéressant parce que ce type de recherche est également mené à Québec, dans le laboratoire d'organogénèse expérimentale, ce qu'on appelle le LOEX, à l'hôpital Saint-Sacrement, par l'équipe du docteur Lucie Germain. En collaboration avec le professeur Manuel Caruso, également de l'Université Laval, qui lui est un expert en thérapie génique, plus particulièrement sur les rétrovirus. Donc les deux ont développé des outils qui permettraient de développer ce type de thérapie-là à Québec. D'accord. Donc ça, c'est pour cette maladie de peau là, de ce jeune enfant. Puis l'autre exemple, l'autre réussite qui a été rapportée cet été aussi dans les médias, c'est donc celle d'utilisation des cellules CAR T contre la leucémie. Oui, c'est ça. Ça, c'est une avancée qui est vraiment majeure. Ce qu'il faut savoir, c'est que à peu près 60% des applications en ce moment en thérapie génique, c'est contre le cancer. Pourquoi le cancer? C'est pas compliqué, c'est le marché. L'incidence. Ah. C'est le marché qui dicte ça. Donc, comment fonctionne cette thérapie? C'est pas très compliqué. Les personnes qui sont atteintes de leucémie, ce qui se passe, c'est que les cellules cancéreuses ne sont pas reconnues par le système immunitaire, parce que ce sont les cellules du soi. Donc, les cellules cancéreuses peuvent se développer, engendrer des tumeurs, etc., etc. Donc, le principe de la thérapie CAR-T, en fait, c'est de récupérer chez le patient ses propres lymphocytes et de modifier génétiquement ces lymphocytes de façon à ce qu'ils expriment à leur surface un récepteur, une protéine, qui va reconnaître spécifiquement ensuite les cellules cancéreuses. Et les attaquer ? Et les attaquer. Donc, comme je dis, le principe est assez simple. On prélève les cellules, les lymphocytes du patient. On les modifie ex vivo à l'aide également d'un rétrovirus qui va contenir le gène qui code pour ce récepteur-là. Et une fois que les cellules ont été modifiées génétiquement, elles vont exprimer à leur surface le récepteur et ensuite elles vont être réintroduites chez le patient. Et ces cellules-là, ensuite, bah, les lymphocytes modifiés, qu'on appelle les CAR-T, qui vont ensuite être dirigés contre les cancers. Et ça fonctionne quand même assez bien, en particulier pour les cancers, cancers du sang. Mm-hmm. Ce qui est également, intéressant de savoir, c'est que ce traitement-là, qui a été développé en partie à New York, en collaboration avec la compagnie Novartis, est maintenant commercialisé. C'est-à-dire que c'est un des deux seuls produits de thérapie génique approuvés au monde. Et ce qui est encore plus important là-dedans, c'est que c'est commercialisé non pas par une petite entreprise, c'est une multinationale qui développe ça. Donc ça veut dire que la thérapie génique n'est plus considérée comme quelque chose de anecdotique, sans intérêt par les grosses pharma. C'est-à-dire que les grosses pharma voient leur intérêt là-dedans maintenant à développer ce type de traitement. Et dans ce cas-ci, en fait, lorsqu'on réinjecte des lymphocytes qui ont été modifiés génétiquement, est-ce que c'est permanent? Parce que dans le fond, j'imagine que ces lymphocytes-là doivent avoir une durée de vie limitée, quoi. En effet. Donc, ce qui peut se passer, c'est des réintroductions successives. Okay. Mais le traitement est quand même assez à long. Une injection, quand même, dure plusieurs mois. Là. Okay. Et est-ce que ça guérit la maladie? Oui. Ou... Okay. Oui, ça guérit la maladie, mais c'est un peu du cas par cas, ça dépend des cancers. Okay. Il y en a que c'est très efficace, par exemple les cancers du sang, il y en a d'autres que c'est moins efficace aussi. Là. Donc c'est un peu du cas par cas, il y a aussi des effets secondaires qui sont assez lourds, faut le savoir, mais la plupart de ces personnes qui subissent ces traitements-là, s'ils n'ont pas ce traitement-là, ça va très mal. Donc, Et dans les deux cas dont vous avez parlé, vous parliez de rétrovirus comme, en fait, comme transport. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on prend des rétrovirus plutôt que des virus? Ce rétrovirus-là, pourquoi on l'utilise? D'une part, c'est parce qu'il est très connu. C'est un virus qui est étudié depuis... pour la thérapie génique, je parle d'à peu près depuis 25 ans. Il est rendu très sécuritaire depuis une dizaine d'années. Tout ce qui était rendu néfaste dans le virus a été enlevé. Les méthodes également pour le produire ont été améliorées. Donc principalement c'est pour ça aussi le fait qu'il s'intègre de façon permanente, c'est-à-dire qu'une fois que le gène est rentré dans la cellule, il va intégrer le génome de la cellule, il ne va plus s'échapper par la suite, là. Il va rester là. D'accord. Donc ça c'est un gros avantage aussi, surtout quand on implante ça dans des cellules souches qui ont une capacité de division élevée, donc, c'est-à-dire qu'à long terme nos cellules vont en avoir beaucoup, puis la copie du gène va être là aussi. Mais dans ces exemples que vous avez donnés, faut quand même connaître le gène défectueux de la maladie. Donc j'imagine qu'on peut pas appliquer cette thérapie génique à n'importe quelle maladie. Il faut que ce soit une maladie dont on connaisse le gène et que la maladie ne soit pas causée par 50 gènes. Exactement. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée maintenant. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il faut étudier un peu le génome du patient, comme on dirait, voir quelle est l'origine de sa maladie en fonction de développer sa propre thérapie. Mais on peut appeler finalement à quelle maladie on peut cibler avec la thérapie génique? Très varié. Ouais. Ça peut aller des maladies héréditaires. On entend souvent parler de la dystrophie musculaire de Duchenne, la myopathie de Duchenne, qui est due à une mutation dans le gène de la dystrophine. Cette mutation engendre en fait une déficience de la fonction des muscles. En gros, les patients n'ont pas de muscles. Ce qui fait que les patients vers l'âge de 10-15 ans sont en fauteuil roulant, après avec un respirateur artificiel, puis ça conduit à la mort vers 20-30 ans à peu près. Là. Donc ça, c'est une maladie héréditaire. Il y a aussi la ataxie de Friedreich, qui est également une maladie héréditaire, dont les symptômes, c'est comme on appelle l'ataxie, c'est-à-dire la difficulté à se déplacer. On peut avoir des courbures, qui engendrent également la mort à long terme. Le cancer, une cible, comme je disais tout à l'heure, pourquoi? Parce que c'est le marché, c'est bête à dire, mais c'est comme ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a également les maladies inflammatoires, ça c'est plus nouveau. En ce moment, pour traiter les maladies inflammatoires, comme par exemple l'arthrite rhumatoïde, ce qu'on fait, le traitement le plus efficace, c'est d'injecter des anticorps monoclonaux. Le problème avec ça, c'est qu'il faut injecter assez souvent les anticorps, c'est un coût. Donc par conséquent, on essaie peut-être de développer des thérapies où là, on en ferait juste injecter une fois un virus qui comporterait un gène qui coderait cet anticorps-là. Ça fait que l'usine de production d'anticorps ne serait plus une usine en tant que telle, mais ça serait notre corps. C'est ça. Donc à long terme, ça pourrait être économique. Donc là, il n'y a rien de commercialisé encore là-dedans. Là, c'est encore permanent. Donc c'est à l'étape encore expérimentale. Et il y a également tout ce qui est maladies infectieuses. Donc, Par exemple, Ebola. Ah, ok. Donc, récemment, moi, avec mon équipe, on a développé un traitement contre Ebola qui consiste un peu le même principe que les maladies inflammatoires. Il existe en ce moment un traitement à base d'anticorps qui est efficace pour traiter les personnes une fois qu'elles sont atteintes par le virus d'Ebola. Le seul problème, c'est que ça prend 10 grammes d'anticorps pour voir un effet par patient. 10 grammes. Ça paraît énorme. C'est énorme. Okay. Donc, produire 10 grammes pour un patient, sachant que ça coûte très cher. Donc, nous, un peu dans cette optique-là, ce qu'on voit, c'est peut-être se servir justement du patient comme usine pour produire les anticorps. Ah ben oui. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la séquence de l'anticorps dans un virus. Le virus que tu disais tout à l'heure, François, l'AAV, le petit AAV. Donc, on l'a mis dans les AAV et on l'a fait exprimer chez des souris qui étaient atteintes par Ebola. Ce qu'on a également fait, qui était encore plus efficace, c'est un peu un traitement préventif. C'est-à-dire que les personnes qui veulent se rendre, par exemple, en Afrique, parce que l'Ebola, c'est souvent en Afrique, là. Donc, par exemple, 10 à 15 jours avant de partir, on leur fait une injection d'un virus, l'AAV, qui, lui, ne s'intègre pas, par contre, qui code les anticorps. Donc, on est protégé pendant une certaine période de temps. Et lorsqu'on arrive sur place, on est protégé contre les infections. Ce n'est pas un vaccin, parce que le vaccin, c'est plusieurs mois à l'avance. Mais c'est un traitement, on appelle ça de la pré-prophylaxie, pour prévenir, on va dire, les infections. C'est-à-dire 15 à 3 semaines avant de partir, on se fait injecter notre virus, on est protégé, et ensuite, comme l'effet n'est pas permanent, ce n'est pas si grave. Après quelques mois, les anticorps ne seront plus exprimés, puis ça reviendra à la normale. Ah. Et est-ce que ça a des symptômes? Est-ce qu'il y a des symptômes associés à la prise de ces traitements-là? Des AAV, par exemple? Oui. Les AAV, il peut y avoir des réactions immunitaires. Ah, ok. Parce que l'AAV, c'est un virus, comme tout bon virus, notre système immunitaire a développé des outils pour les reconnaître. Donc la thérapie génique à base de virus, on essaye toujours de minimiser la réponse immunitaire du virus. En fait, du patient contre le virus. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser plus qu'une fois, quoi? Ça dépend du type de virus qu'on utilise. Par exemple, l'AAV, on a plusieurs ce qu'on appelle sérotypes, c'est-à-dire des variants du virus, où là, on peut jouer un peu selon... on peut utiliser, par exemple, un sérotype une fois, peut-être essayer un autre une autre fois pour essayer qu'il soit moins reconnu. Mais il y a quand même une réponse immunitaire assez forte contre ce virus-là. Okay. Donc, le gros c'est défi... C'est qui est mis au traitement, là. C'est ça. Donc, le gros défi en ce moment pour la thérapie génique, c'est pas tant de faire rentrer le gène dans les cellules, c'est de minimiser la réponse immunitaire contre le virus. Oui, c'est ça. Mais là, vous le disiez tout à l'heure, il y avait des... finalement, la thérapie génique n'est pas toute jeune. Ça a commencé il y a quoi? Il y a 25 ans? À peu près, oui. Puis là, on commence à avoir des résultats encourageants. Mais il y a eu des cas un peu plus tristes dans le passé quand même. Ça pas, si on reprend l'histoire de la thérapie génique, ça ne s'est pas toujours bien passé. Non, qu'est-ce qui fait que maintenant, ça marche? Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la sécurité des vecteurs. Okay. Si on regarde les premiers travaux qui ont été faits de thérapie génique, ça date du début des années 90 à peu près. Les premiers essais cliniques, les essais en amont ont été faits depuis une trentaine, voire 40 ans en thérapie génique. Mais les premiers essais cliniques chez l'humain ont été faits au début des années 90 pour justement essayer de traiter une maladie qu'on appelait en bon français le SCID. C'est-à-dire, pour résumer, en fait, c'est une absence de système immunitaire due à l'absence d'une enzyme qui fait en sorte que les enfants qui étaient atteints de cette maladie, on les appelait les enfants bulles. Ils vivaient dans une bulle stérile parce qu'ils n'avaient pas ce système immunitaire qui était capable de les protéger. Donc, le principe de la première thérapie génique, c'était de prendre des cellules souches de patients et d'injecter, toujours avec un rétrovirus, parce que c'était le premier qu'on avait au départ, injecter ce virus qui contiendrait le gène qui est responsable de cette maladie, donc une enzyme qui serait réintroduite dans le virus, et ensuite le virus serait introduit dans les cellules souches du patient. Et ces cellules-là ensuite seraient injectées chez les patients. Donc ça a été fait au début des années 90. On n'avait pas vu beaucoup d'effets positifs en lien avec ça. Il y a d'autres tests qui ont été faits au début des années 2000, où il y a eu du pour, il y a eu du contre. Les enfants qui ont été traités par le rétrovirus, les enfants en bulle, si je me souviens bien, il y a eu 6 enfants qui ont été traités. Il y en a eu 4 qui ont survécu, qui sont en bonne santé. Et il y en a 2 qui sont morts. Okay. Sauf que ce qui a été établi, c'est que la mort était due à un cancer. Mm-hmm. Et ce cancer étant dû en fait à l'introduction du virus à des endroits du génome qui ont activé en fait certains gènes responsables du cancer. Ce qu'on appelle des oncogènes. Donc ça, ça donnait un gros coup de frein à la thérapie génique là, parce qu'on s'est dit, ok, on injecte un virus, mais s'il active le cancer, c'est pas, on n'est pas plus gagnant là. C'est ça. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour améliorer la sécurité du virus, pour caractériser les sites où s'intègrent les virus. Et maintenant, on arrive avec des rétrovirus qui sont quand même assez, je vous dirais, performants et sécuritaires pour pouvoir être approuvés par les autorités réglementaires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais il y a eu d'autres problèmes également associés aux essais de thérapie génique. Par exemple, en 1999, un enfant qui avait une maladie du foie, un adolescent qui avait une maladie du foie, pour essayer de traiter cette maladie, on lui a injecté un adénovirus, qui est un autre virus, dans lequel on a introduit l'enzyme responsable de la maladie. Sauf qu'on a injecté des très grandes quantités de ce virus-là chez le patient, et le patient a très mal réagi suite à l'injection du virus, ce qui a engendré une défaillance multi-organe. Et le patient en est mort. Donc, la réaction immunitaire était trop forte. Réaction immunitaire et puis la dose de virus utilisée. Donc ça, c'était tout, fin des années 90, tout début des années 2000, où là, ça, en combinaison avec les problèmes qu'il y avait eu avec les enfants bulles, ça donnait un gros coup de frein à la thérapie génique pendant une dizaine d'années. Donc depuis 2010, ça a bien repris, là, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour améliorer la sécurité des Donc ça veut dire que maintenant, on est capable d'abord de mieux cibler où le gène va s'insérer pour être sûr qu'il ne va pas aller activer des oncogènes. C'est ça. Il y a ça. Et puis, on connaît mieux aussi la quantité de virus, donc du vecteur, là, du véhicule. On sait mieux quelle quantité on peut injecter pour ne pas déclencher ces problèmes immunitaires. On connaît mieux les quantités, mais il y a des virus maintenant, par contre, qu'on essaye d'éviter. L'adénovirus, par exemple, n'est pas trop utilisé maintenant en thérapie génique, justement à cause de cette réaction immunitaire-là qu'on a du mal à contrôler. Donc, les virus les plus populaires actuellement, c'est l'AAV. Mais par contre, ce n'est pas un effet permanent parce que lui ne s'intègre pas dans le génome du patient. Des rétrovirus et également des lentivirus. Les lentivirus sont une classe de rétrovirus, donc des rétrovirus que je pourrais dire un peu modifiés, mais qui sont plus sécuritaires que les rétrovirus. Donc l'avenir, on va dire, dans les virus intégratifs, c'est plus l'antivirus. Mais vu que les produits qui ont été approuvés en ce moment, autorisés en ce moment par les autorités réglementaires, c'est des produits à base de rétrovirus. Pourquoi ? C'est parce que ça prend 15 ans d'essais cliniques. Et l'antivirus, ça ne fait pas 15 ans qu'il y a des essais cliniques. Donc peut-être dans 5 à 10 ans, les premiers produits à base de l'antivirus devraient déboucher sur le marché. Donc quels sont ces autres produits qui arrivent sur le marché, qui sont autorisés ? En ce moment, il y en a un qui a été autorisé et qui a été retiré. C'est en 2013, un médicament qui s'appelle Glibera, qui a été développé par une entreprise néerlandaise, Unicure. C'est un AAV, un petit virus, qui contient une enzyme qui, cette enzyme-là, elle est responsable de la dégradation des lipides dans le sang. Ça fait que si on a une déficience dans cette enzyme-là, on n'a pas de dégradation de lipides, notre sang devient très épais et ça engendre des inconforts assez importants. Donc, il y a une thérapie génique qui a été développée contre cette maladie, donc Glibera. Ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que une partie des travaux ont été faits ici au Québec. Donc le chercheur, le médecin qui a mené ces essais cliniques, c'est le docteur Daniel Godet, donc un chercheur de Montréal, qui par contre, par manque de financement, n'a pas pu terminer ses essais cliniques. Donc c'est pour ça que c'était en Europe, pour la petite histoire. Donc ce produit a été approuvé par les autorités réglementaires en Europe, donc l'EMA. Par contre, il y a seulement eu un patient qui a été soigné à l'aide de ce médicament en raison du coût du traitement. C'est $1 million le traitement. Mais est-ce que ça fonctionnait ? Ça fonctionnait. Mais par contre, comme je dis, c'était le coût. Et après, c'était la question, c'est qui va payer ? Parce que les agences de santé ne voulaient pas forcément rembourser ces médicaments à coût très élevé. Mais c'est pas forcément une très bonne idée parce que c'est $1 million maintenant. Mais par contre, si on calcule le traitement, par exemple, si vous faites un traitement à base d'anticorps, chaque année, ça peut coûter très cher. Donc, cumulatif, vous arrivez quasiment à ce prix-là. Alors que là, c'est une injection ou deux injections et c'est fini. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de marché pour ce type de traitement ? C'est une maladie rare. C'est rare. Donc, pas assez vraiment pour justifier. C'est ça. Mais ils l'ont quand même autorisé. Okay. Donc ça, c'était le premier produit. Donc il a été autorisé et là retiré du marché parce que justement il se vendait pas. Il a été retiré peut-être au début de l'année. Un qui est très très prometteur, c'est le traitement Strimvelis. Strimvelis, c'est un traitement autorisé pour guérir les enfants bulles, que je disais tout à l'heure. Ce sont en fait un traitement à base d'un rétrovirus qui contient une enzyme qui rétablit un système immunitaire chez les enfants. Donc ce virus est intégré dans les cellules souches des enfants qui ensuite sont réimplantées dans leur corps et ils récupèrent une excellente qualité de vie. Donc comme je dis, c'est 15 ans après les essais qui n'avaient pas forcément été très très efficaces à l'époque. Là. Donc, oui. Mais ces essais-là, justement, est-ce qu'on les a vraiment étudiés pour comprendre pourquoi ils avaient échoué? Ceux d'il y a 15 ans? Oui. Oui, bah, c'est parce que justement, la dose était trop forte. Les virus n'étaient pas totalement sécuritaires. Okay. Donc, on avait vraiment compris là, pourquoi ça avait échoué. On a compris pourquoi ça a échoué. Ce qui fait quand même partie de la recherche aussi. Là. C'est important, ça aussi. C'est ça. Donc là, il y a de différentes... Pour ne pas répéter, en fait. Exactement. Les mêmes erreurs. Mais ce qui est surtout intéressant avec ce produit-là, c'est, comme je dis, un rétrovirus. Là. Il a été développé en Italie par l'équipe de Luigi Naldini, qui est en fait une sommité internationale dans le domaine de la production de... et dans la construction de vecteurs rétrovirus. Et toutes ces technologies qu'il a développées, il les a, je pourrais dire, vendues à l'entreprise GSK. Mm. Donc le produit a été commercialisé maintenant par GSK, disponible uniquement en Italie. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire soigner, il faut que vous vous rendiez dans le centre de Luigi Naldini en Italie. Ah bon ? Vous n'avez pas le choix. Et pour ce traitement-là, GSK ne fait payer le traitement que s'il est efficace. Ah ! Ah ! C'est-à-dire qu'il coûte 450 000 dollars. Oh là là. Si ça marche, vous payez. Si ça marche pas, vous payez pas. Ouais. Okay. Mais c'est uniquement pour ce produit-là. Ils l'ont dit, c'est pour leur donner une bonne publicité. Ouais. Ah bon, okay. Si ça marche par la suite, ça sera plus pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais je me demande justement, parce qu'il y a la recherche qu'on fait au laboratoire, les premiers essais cliniques, puis après la production à grande échelle, ben, s'il y a un marché suffisant. Et comment ça se passe pour passer justement de la petite échelle du laboratoire à la grande échelle, à la production? Puis j'imagine que là, l'ingénieur chimiste doit être un petit peu interpellé. Oui, un petit peu, oui. ça, c'est le gros défi, je vous dirais. C'est la production à grande échelle de ces vecteurs-là, de ces virus-là. Ça coûte excessivement cher. Comme je disais tout à l'heure, un traitement, par exemple, avec Libera, c'était 1 million. En ce moment, pour produire, par exemple, des lentivirus, les procédés ne sont pas encore totalement développés. Ils sont développés, mais ils ne sont pas optimisés. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer ces processus-là. Ce sont des virus qui sont produits dans des cultures de cellules animales, à partir de cellules soit hamsters, soit humaines, souvent humaines. C'est difficile à produire, parce que ce sont des molécules qui sont complexes. Ce n'est pas juste une protéine qu'il faut produire. Là, c'est un assemblage de différentes choses. Il faut s'assurer également qu'à la fin, le virus soit fonctionnel et sécuritaire. Donc, la production à grande échelle, c'est un énorme défi. On en parlait encore avec un chercheur récemment qui fait de la thérapie génique à Québec. C'est le professeur Jacques Tremblay qui est spécialisé dans le domaine de la thérapie génique et qui essaye de faire un essai clinique de thérapie génique contre la taxie de Friedreich. Mm-hmm. Juste pour produire une dose de virus suffisante pour traiter 10 patients, ça va lui coûter entre 3 et 15 millions de dollars US. Ah. Oh là là, ah, okay. Oui. Et les subventions qui sont attribuées par le gouvernement en ce moment ne sont pas suffisantes pour payer ces productions-là. Ah oui. Donc ça, c'est un énorme défi. C'est de produire des virus de qualité à bas prix. Mm-hmm. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer une expertise au Québec qui permettrait justement de produire à bas coût ces virus-là. Mm-hmm. Okay. Et brièvement, là, dans la minute qui nous reste, oui. En fait, parce qu'on parle, donc le Québec a quand même un potentiel, une capacité de recherche en thérapie génique. Est-ce qu'on se place bien par rapport à d'autres centres de recherche ou est-ce qu'à nouveau, là, ce qui se fait va se faire récupérer par les laboratoires néerlandais ou autres parce qu'on n'a pas les moyens d'aller au bout de la recherche? Il y a 20 ans, on était très en avance. Maintenant, on est très en retard. Ah bon, OK. On n'a pas assez investi en thérapie génique. Aux États-Unis, c'est un autre monde. Par exemple, l'Université de Pennsylvanie, le chercheur qui a développé les AAV, s'est fait... En fait, l'université s'est fait verser 2 milliards de dollars US pour toutes ces technologies. Et il est financé à hauteur de 30 millions de dollars par année par cette compagnie-là pour développer des thérapies. Ah, c'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle. En Italie, c'est pareil. Il y a des gros investissements qui sont faits, souvent soutenus par le privé. Au Canada, c'est pas le cas. Il faut un peu qu'on se débrouille avec le financement qu'on arrive à obtenir des organismes subventionnaires. Mais c'est très, très compliqué de faire de la recherche en thérapie génique. Comme je dis, particulièrement, c'est pour produire les vecteurs. Ça coûte excessivement cher. Bien, merci beaucoup, Bruno, de nous avoir permis d'y voir plus clair dans ces avancées médicales. Donc, nous étions en compagnie de Bruno Gaillet, qui est professeur au département de génie chimique à l'Université Laval et directeur de ce même département. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Valérie.